Scène 3. Une maison de paysans dans les environs de Varsovie. Plusieurs paysans sont assemblés. Apprenez la grande nouvelle. Le roi est mort, les ducs aussi. Et le jeune bougre-là s'est sauvé avec sa mère dans les montagnes. De plus, le père Ubu s'est emparé du trône. Mais j'en sais bien d'autres. Je viens de Cracovie, où j'ai vu emporter les corps de plus de 300 nobles et de 500 magistrats qu'on a tués. Et il paraît qu'on va doubler les impôts et que le père Ubu viendra les ramasser lui-même. Grand Dieu, qu'allons-nous devenir ? Le père Ubu est un affreux sagouin. Et sa famille est, dit-on, abominable. Écoutez, ne dirait-on pas qu'on frappe à la porte ? Corne gidouille ! Ouvrez de par ma merde ! Par Saint-Jean, Saint-Pierre et Saint-Nicolas, ouvrez, sabre à finance, corne finance, je viens chercher les impôts.